Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Radio Gémozo dans l'émission Les Oreilles du Monde proposée par les Mondes l'Utopie. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième émission cette année de Les Oreilles du Monde proposée par l'association Les Mondes l'Utopie en direct de Radio Gémozo avec Camille. Bonjour, bonjour à tous. Et Gilles aujourd'hui qui est présent du groupe Alsarweeb qui nous interrogeront plus tard. Donc je vais vous présenter le déroulement de l'émission d'aujourd'hui. En première partie, on va vous faire un résumé de la fête de la musique, comment ça s'est passé le 23 juin à Rochesson, avec une brève présentation de l'association par Camille. Ensuite, nous reviendrons sur une interview d'Alsarweeb, un groupe aux influences musiques du monde qui nous vient de Bienne en Suisse. Et pour terminer, je vous présenterai un festival pas comme les autres, le Rêve de l'Aborigène à Poitiers, qui se déroule le 20, 21 et 22 juillet cette année. Merci Florent. Donc vous êtes toujours en direct de Radio Gémozo. À l'émission Les Oreilles du Monde. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu l'association dont on fait partie, Florent et moi. Donc c'est une association Rochenat dont on avait déjà parlé dans les émissions précédentes. On avait déjà été accueillis d'ailleurs par la radio dans la bulle de l'IA. Et donc cette association, elle a pour but de promouvoir les cultures du monde, donc à travers des événements de diffusion de spectacles vivants. Donc il y a des spectacles concerts, il y a des spectacles repas concerts. Là, on a fait la fête de la musique également. Et donc, l'année prochaine, bah, ça va aussi partir sur un troc de plantes, petit marché artisanal. Enfin, on a tout un tas d'idées et tout un tas de petites mains pour nous aider. Donc, voilà cette association Rochenat. Et donc, comme Florent vous le disait, on a donc organisé la fête de la musique le 23 juin dans la rue à Rochesson. Et donc ce qui s'est bien passé, c'est qu'on a eu beaucoup de monde, on a eu le temps avec nous puisqu'il a fait très beau. Et donc on est plutôt content de ce qui s'est passé. Niveau organisation, on était suffisamment de bénévoles, enfin c'était plutôt chouette. Et niveau public, bah, on a eu le public qu'on attendait. Donc bon, on n'a pas compté, mais je pense qu'on était à peu près globalement 150 toute la soirée. Il y a eu pas mal de gens qui sont venus, des curieux aussi, puisqu'on avait convié certains, enfin les Rochenats les plus proches de l'endroit où on faisait la fête, à venir boire un petit pot de l'amitié. Donc il y a eu pas mal de gens qui sont venus pour jeter un coup d'œil, d'autres qui sont restés plus longtemps. Et puis donc on avait proposé une petite restauration, donc on avait des sandwichs, des petites assiettes avec des salades. Et aussi les crêpes bretonnes qui ont d'ailleurs très bien marché puisqu'on s'est retrouvés très vite en rupture de stock. Et donc voilà, donc nous avions la petite restauration, nous avions aussi une buvette. Et donc à la buvette, on avait donc de la bière artisanale. Hein, comme d'habitude, on travaillait avec la Golaï, donc qui est une brasserie de Xertini. On avait des vins bio, on avait préparé des petits ponches, tout ça. Et puis après, niveau musique, donc on avait trois invités pour la fête de la musique. Et en plus de ça, on a eu des petits concerts qui sont un petit peu improvisés comme ça avec des gens du village. Oui, dis-moi. En scène découverte, voilà. De 18h à 20h30. Voilà, donc on a eu 3-4 petits groupes qui sont passés comme ça pour le plus grand plaisir de tout le monde. Et donc après, vers 8h30-9h, les groupes ont commencé. Donc ça a commencé par Greg Voinis. Qui est plus chanson à texte, hein, qui était un beau concert. Après, on a eu Duo Miral, donc c'est un duo qui nous viennent de Paris avec un guitariste jazz et une chanteuse qui chante en arabe, en français, en créole aussi. Et à la fin, on avait L'Appel de la Forêt, donc qui est un groupe composé de deux artistes, une personne au didgeridoo et une personne au hang, guimbarde, beatbox, donc voilà. La soirée s'est super bien passée, donc on est plutôt content. On remercie d'ailleurs tous les bénévoles. On remercie tous les gens qui sont toujours là pour nous soutenir, et évidemment la mairie, hein, qui nous a amené son soutien. Et donc voilà, pour ce petit bilan de fête de la musique, on est tous ravis de ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc voilà. Très positif sur tous les points. Oui, c'est ça. Voilà pour le petit bilan. Du coup, maintenant, on va passer une petite playlist qu'on a concoctée avec Flo. Donc, plutôt influence de l'Est. Hein. Et donc, on va commencer par un groupe qu'on aime beaucoup. qui s'appelle Le Lomis, donc qui est un groupe de 4 artistes qui se sont rencontrés à Strasbourg. Donc il y a une harpiste, un flûtiste, un percussionniste et une chanteuse. Et donc le premier morceau, c'est Eslani. Et voilà donc pour la musique de Le Lomis. Ensuite, on passe à un titre de Titi Robin, qui est chanté avec Goulabi Sapera. J'espère que je le dis bien, je ne suis pas trop sûre. Donc Titi Robin, c'est un artiste d'origine française hein, qui a beaucoup voyagé et qui s'inspire quand même du monde gitan. Et donc la femme avec qui il chante, c'est une danseuse gitane du Rajasthan. Voilà. La chanson de Titi Robin. Ensuite, on passe à une musique de Zakuska, donc un groupe qu'on connaît bien aussi, qui est composé de 4 artistes qui viennent aussi de Strasbourg. Donc il y a un guitariste, un accordéoniste et deux violons, ouais. Un violon alto et un violon. Voilà. Et donc sur cette chanson, en fait, ils invitent Laetitia David, chanteuse d'Imazelia. Voilà, on vous laisse écouter. Guata lume duermes a la mine, dar la mine somnul nu mai vine. Să-l lagem și mi-i privesc găsuță, unde era mieu și Mariuță. Guata lumea duermes a la mine, dar la mine somnul nu mai vine. Să-l lagem și mi-i privesc găsuță, unde era mieu. Nu mă eu, dar căzută cu trâmpul, este o fată care se pare. Nu mai poate tare, să-mi ia lină aludă. Dar căzută cu trâmpul, este o fată care. Nu mai poate tare, să-mi ia lină. Și mi-i privesc căsuța, unde era mea uși Mariuța. mangero maendro. Vous êtes toujours en direct de Radio Gemozo dans l'émission Les Oreilles du Monde proposée par Les Mondes de l'Utopie. Ensuite, on passe donc à un autre morceau qui nous vient cette fois-ci du sud-ouest de la France. Donc, ils sont cinq personnes à tendance un peu klezmer. Et donc, c'est Anachronic Electro Orchestra avec le titre Lady Midriasis. Boil the flame, fools for hope. Boil, fight, but lay a shade in its clear. Et voilà pour ce titre. Donc ensuite, on passe à un autre morceau. On part cette fois du côté de la Roumanie avec Taraf de Haïdouk, Carolina. Hey! Vous êtes en direct de Radio Gamozo dans l'émission Les Oreilles du Monde proposée par les Mondes l'Utopie. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir un groupe qui s'appelle Alsarweeb en compagnie du chanteur et claviériste Gilles Humer que nous recevons en direct de la radio. Alsarweeb, un groupe aux influences de musique du monde. On entend des sonorités arabes, du rock psyché, des textes en anglais. Créé en 2016 à Bienne en Suisse. Quelle est la ligne directrice du groupe et quelles sont vos influences ? Alors, bonjour Radio Gamozo. Alsarweeb, c'est parti d'une idée de Fabrice Pittet. Il avait des rythmes rythmiques qu'il avait enregistrés, ils avaient fait des maquettes avec Adrien Guerne, ils étaient deux à la base. Ensuite, ils nous ont montré le projet et on a tous composé les uns par-dessus, enfin les uns avec les autres, pour ensuite créer Alsarweeb final. On a créé une histoire aussi qui c'est celle de Fugitive Lay. C'est l'histoire d'une femme, on ne sait pas vraiment où ça se passe, ça doit se passer dans un désert. On ne sait pas si c'est en Asie, en Afrique ou en Amérique. Et on suit l'histoire de cette femme qui est en cavale. Et pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer de cette fugitive. On verra bien. Peut-être qu'il y aura un deuxième opus. Super. Composé de 7 musiciens, Alsarweeb, groupe influence musique du monde. Quels sont les instruments principaux du groupe ? Il y a 4 guitares électriques, un clavier, synthétiseur, une basse en forme de clavier aussi, 2 batteries. Là, on a été rejoint par un ami à nous qui fait de l'harmonica. Du coup, on est 8 sur scène à partir de maintenant. Je crois que j'ai fait le tour. Et 8 sur scène, c'est pas trop dur pour s'arranger sur les arrangements, être d'accord ? Dans la composition, il y a toujours quelqu'un qui... Enfin, Adrien Guerne qui prend le lead du groupe. Alors tout le monde compose un peu et tout d'un coup, Adrien Guerne crie quelque chose comme « Ok, c'est bon !» Alors on choisit ça et c'est parti. Et super. On joue tout ça. Et où est-ce qu'on peut vous découvrir, mis à part à Bienne ? On peut nous découvrir sur Bandcamp, sur le site web, ou bien bientôt sur YouTube. Et sinon, avec des concerts, on tourne surtout en Suisse. On espère tourner un peu ailleurs aussi, ces prochains temps. On a quelques dates, je peux vous les dire. Peut-être c'est bien pour la promotion aussi. Le 31 juillet à la cabane Musac, juste à côté de Port-en-Truy. Le 9 août à Hors Tribu Festival, c'est juste en dessus de Neuchâtel. Et le 30 août à la Reitschule à Berne. Et quels sont les retours du public lors de vos concerts ? Cette année, c'est une première année de tournée, de grosse tournée, on va dire. Oui. Comment est reçue votre musique ? Je crois plutôt bien. Les gens ont un peu de la peine à danser sur des rythmes à 5 temps ou 7 temps. Du coup, on les voit chercher un peu. Ils savent pas trop exactement, mais s'ils boivent une bière ou deux, ils arrivent mieux à danser. Ah, ça désinhibe l'alcool. Nous en parlerons plus tard du rêve de l'aborigène, festival sans alcool à Poitiers. Super, ben on peut écouter un extrait de votre musique et on revient juste après. Thank you. Vous êtes en direct dans l'émission Les Oreilles du Monde, proposée par Les Mondes de l'Utopie. Donc aujourd'hui, nous recevons Gilles Humer, chanteur du groupe Alsarouib et claviériste. Donc nous venons d'écouter Barken, une chanson du groupe. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Barken ? Les noms des chansons qu'on a choisies, en fait, c'est des noms de dunes, des dunes de désert, et c'est des noms arabes. Ça, je peux dire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? On avait choisi de faire une chanson sans parole, juste musicale, avec plusieurs riffs. Barken, c'est cette chanson ? Cette chanson qui vient de passer, exactement. Super. Donc, Alsarouib, groupe aux influences musiques du monde. On parlait tout à l'heure de sonorités arabes, pas très loin du rock psyché, des textes en anglais. Quelles sont les influences du groupe ? Je crois qu'on s'était un peu tous retrouvés à écouter du Tina Riwen, du Fela Kuti ou les Éthiopiques. Puis on avait très envie de faire de la musique qui ressemblait à ça, en ajoutant une petite touche suisse, peut-être un peu moins groovy, mais on avait envie de faire honneur à ce genre de musique. Oui, ça s'entend, on entend des rythmes gnawa un peu et c'est vraiment super. Du coup, ce CD qui met ça, qui est sorti cette année, comment c'est un CD en indépendance, en autoproduction ? Exactement. On a eu aucun contact avec des labels ou on n'a pas contacté le label. Du coup, on s'est débrouillé par nous-mêmes. D'accord. Et vous avez un tourneur pour vous faire tourner ou vous démarchez vous-même ? On se démarche nous-mêmes aussi. D'accord. Y a-t-il un nouvel album en cours ? Ben, on espère, on est en train de le créer. On verra qu'est-ce que ça donne. On est au tout début, là, c'est un peu encore un petit bébé, mais c'est la suite de l'histoire. Ça annonce du beau pour la suite. On va écouter Mystère. Sepka, un autre morceau du groupe Alsarouib. Vous êtes en direct de Radio Gamozo dans l'émission Les Oreilles du Monde proposée par Les Mondes de l'Utopie. Nous sommes très heureux d'avoir reçu aujourd'hui Gilles Humer, chanteur claviériste du groupe Alsarouib. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et de nous avoir présenté ton groupe. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. On a pu écouter deux extraits musicaux de l'album Messa que vous pouvez retrouver sur Bandcamp sur le net. Ensuite, nous allons continuer l'émission avec une playlist qui, dans les mêmes influences, influences arabes, avec maintenant Orange Blossom et un titre qui s'appelle Habibi. Will you? Vous êtes toujours en direct de Radio Gémozo dans l'émission Les Oreilles du Monde présentée par Les Mondes de l'Utopie. On continue cette playlist avec un groupe qui nous vient de Montpellier qui s'appelle Eiwa. Eiwa, c'est en arabe, c'est un peu pour exprimer un sentiment positif. Et donc c'est un groupe composé de 5 personnes et donc on part sur la chanson Noir Orient. Thank you. Voilà, nous terminons donc notre petit tour des musiques aux influences d'Afrique du Nord par un groupe qui s'appelle le Nerdistan. Donc ce groupe nous vient de France et du Maroc, ils sont quatre. Et donc nous allons les écouter avec le titre Malifa. أنعي لكم يا أصدقائي اللغة القديمة والكتب القديمة أنعي لكم كلامنا المصحوبة الأحذية القديمة ومفردات العهر والهجاء والشتمة أنعي لكم نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة بارحة في ثمن القصائد بارحة نفار النساء والليل الأستار والمقاعد مانحة أمامنا الأشياء يا وطني الحزين حولتني بلحظة من شاعر يكتب الحب والحنين لشاعر يكتب بالسكين لأن ما نحسه أكبر من أوراقنا لابد أن نخجل من أشعارنا السر في مأساتنا صراخنا أضخم من أصواتنا وسيفنا أطول من قاماتنا جلودنا بيتة الإحساس أرواحنا تشكو من الإفلاس أيامنا تدور بين الزار والشطرنج والنعاس هل نحن خير أمة قد أخرجت للناس خمسة آلاف سنة ونحن في السرنا نقولنا طويلة نقودنا مجهولة عيوننا مرافق الذباب يا أصدقائي جربوا أن تكسروا الأبواب أن تغسلوا أفكاركم وتغسلوا الأسباب يا أصدقائي جربوا أن تقرأوا كتاب أن تكتبوا كتاب أن تزرعوا الحروف والرمان والأعناب أن تبحروا إلى بلاد الزلج والضباب فالناس يجهلونكم في خارج السرداب الناس يحسبونكم نوعا من الذئاب أنعي لكم يا أصدقائي اللغة القديمة والكتب القديمة أنعي لكم نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة بارحة في فمن القصائد بارحة ضفائر النساء والليل والأستار والمقاعد بارحة أمامنا الأشياء أنعي لكم يا أصدقائي يا أصدقائي اللغة القديمة أنعي لكم نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة كتب الشوارع نحمل تحت ايدينا الحبال نمارس السحن بلا تبصر نحطم الزجاج والاحفال نمدح كالضفادع نشم كالضفادع نجعل من اقسامنا ابطالا ومن اشرافنا انبالا نرتجل البطولة رجالا نعود في الجوامع جنا بلا كسالى نشطر الابيات او نؤلف الامثال ونشهد النصر على عدونا من عنده تعالى خلاصة القضية توجد في عبارة لقد لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية بالناي والمسمار لا يحدث انتصار لا تلعن السماء إذا تخلت عنكم لا تلعن الظروف والله يؤتي النصر من يشاء وليس حدادا لديكم يصنع السيوف كان بوسط نفسنا مسافعا في الصحاري أن يستحيل خنجر من لهب وناري لكن وخجرة الأجراف من قريش وخجرة الأحرار من أوس ومن نزار يراق تحت أرجل الجواري مانحة في فمن القصائد مانحة ضفائر النساء والليل والأستار والمقاعد مانحة أمامنا الأشياء أنعي لكم يا أصدقائي يا أصدقائي اللغة القديمة أنعي لكم نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة لو أحد يمنحني الأمان لو كنت أستطيع أن أقابل السلطان قلت له يا حضرة السلطان كلابك المفترسات وثقت ردائي ومخبرك دائما ورائي عيونهم قلوبهم أقدامهم ورائي كالقدر المحتوم كالقضاء يستجوبون زوجتي ويكتبون عندهم أسماء أصدقاء يا حضرة السلطان لأنني اقتربت من أسوارك الصماء لأنني حاولت أن أكشف عن حزني وعن بلائي ضربت بالحذائي يا حضرة السلطان لقد خسرت الحرب مرتين لأن نصف شعبنا ليس له لسان لأن نصف شعبنا محاصر كالنمل والجردان في داخل الجدران لو أحد يمنحني الأمان من عسكر السلطان قلت له لقد خسرت الحرب مرتين لأنك انفصلت عن قضية الإنسان نريد شيئا غاضبا نريد شيئا يمنح الآخر ويبكش التاريخ من صدوره وينقش الفكر من الأعماق أريد جيرا قادما مختلف الملامح لا يغفر الأخطاء لا يسامح لا ينحني لا يعرف النفاق أريد جيلا رائدا عملاق Et voilà pour cette playlist des influences d'Afrique du Nord. Vous êtes toujours en direct sur Radio Guémozo dans l'émission Les Oreilles du Monde présentée par Les Mondes de l'Utopie. Donc là, Flo va nous parler du rêve de l'aborigène. Eh bien, qu'est-ce que c'est le rêve de l'aborigène ? Souvent, on me demande. Moi, ça fait 7 ans que je fais partie de l'organisation de ce festival. Et c'est un festival qui va se dérouler le 20, 21, 22 juillet dans la plaine des Soulièvres à Hervaux, près de Poitiers. Pourquoi aller si loin depuis les Vosges pour organiser un festival ? Eh bien, parce que c'est un festival pas comme les autres. C'est un festival qui met à l'honneur des musiques traditionnelles des peuples autochtones. Il sort de l'ombre des instruments peu connus comme le didgeridoo, la guimbarde ou le chant diphonique. Né en 2002, dans la plaine des Soulièvres à Hervaux, ce festival était l'idée de deux associations rassemblées autour d'un même instrument, le didgeridoo. À la base, c'était une rencontre de didgeridistes qui fut une réelle réussite avec plus de 1000 festivaliers la première année passionnés par cet instrument. Donc, dès la deuxième édition du festival en 2003... Il a été décidé de mettre en place certaines valeurs au sein de l'organisation de ce festival et de son déroulement. Donc, tout d'abord, dans le respect des peuples autochtones. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que pas mal de peuples autochtones étaient divisés, détruits par l'alcool. Et donc, en 2003, il a été décidé de ne plus vendre d'alcool en dehors des heures de repas. Puis en 2005, la décision de supprimer totalement l'alcool a été décidée. Bon, c'était une décision complexe sur le plan social et économique, mais très judicieuse dans le fond du festival. C'est parce que ça crée une certaine attention du public envers les artistes qu'on accueille. On accueille des artistes qui viennent de partout dans le monde, et notamment des artistes trad qui viennent de peuples autochtones, d'Australie, de Mongolie, qui n'ont pas l'habitude de ce genre de festival où tout le monde boit, crie, ne respecte pas la musique. Donc on a décidé de ne plus mettre d'alcool dans ce festival. Dans le monde actuel, perverti par l'alcool et les différentes drogues, ça nous a permis de garder une réelle identité de soutien aux peuples autochtones et de ne plus nous éloigner de nos traditions et des savoirs. Alors, festival Le Rêve de l'Aborigène, c'est sur 3 jours et c'est dans le respect de la nature et de l'humain. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh bien, on essaye de s'adapter à des valeurs écologiques avec un réel vœu de réduire notre impact écologique quand on organise un gros festival comme ça, parce qu'on accueille aujourd'hui 8000 personnes sur le site. C'est un festival à guichet fermé. Pourquoi guichet fermé ? Parce qu'on veut garder une identité d'un petit festival et pas devenir un gros festival où on ne s'y retrouve plus. Et donc sur le site vous trouverez tout ce qui est en rapport à l'écologie, des toilettes sèches, le tri des déchets, de l'électricité à 70% renouvelable. Comment on fait ? Ben, on passe pas par EDF, c'est ça le secret du festival. On travaille avec un camion d'énergie renouvelable, donc c'est un gros poids lourd qui vient toute la durée du festival avec un gros panneau solaire, une éolienne sur le toit et des vélos. Du coup, on peut recharger tous ces appareils électriques grâce aux vélos qui sont mis à disposition des festivaliers. Et tout le reste de l'électricité qui est fabriquée par ce camion, elle sert à desservir les stands, les scènes. Après, on n'arrive pas à 100% encore, mais on espère y tendre dans les prochaines années. Vous trouverez aussi des stands avec une certaine éthique. On demande à tous nos standiers un réel traçage des différents produits vendus. Il n'y a pas ou très peu de revendeurs. En fait, on essaye de travailler qu'avec des artisans producteurs. Et vous trouvez aussi des gobelets réutilisables, de la restauration 100% bio, locale et de saison. Donc voilà, le rêve de l'aborigène, c'est plein de belles choses à vivre et c'est surtout une aventure humaine, pas comme les autres. Qu'est-ce qu'on y trouve comme musique au rêve de l'aborigène ? Comment je pourrais vous faire venir là-bas ? Eh ben, on y découvre du chant diphonique issu des cultures mongoles, en passant par la guimbarde, instrument joué sur tous les continents et dans toutes les civilisations. Mais aujourd'hui, c'est rare d'en trouver dans les musiques qu'on écoute à la radio, sur Internet. Ça se démocratise petit à petit. On trouve de plus en plus de guimbarde, de chants diphoniques mélangés à d'autres style de musique, et surtout un instrument qu'on met énormément à l'honneur, c'est le didgeridoo. Le didgeridoo, c'est un instrument, à la base, c'est une branche d'arbre creusée par les termites que les aborigènes d'Australie se servaient pour des cérémonies. Et le didgeridoo, on le trouve maintenant dans beaucoup de musique contemporaine et de musique actuelle. C'est notamment grâce au rêve de l'aborigène qui, il y a 15 ans, a démarré à Hirvaux. En fait, petit à petit, tous ces didgeridistes français qui se sont rassemblés à Hirvaux, et ben, ça a fait des petits, et ça s'est intégré dans des groupes de musique actuelle. Donc voilà. Le rêve de l'aborigène, c'est assez incroyable, c'est une aventure à vivre. Avec la venue chaque année d'un représentant de tribu aborigène d'Australie. Alors c'est pas toujours facile, ça coûte cher et c'est compliqué de les faire venir parce que pour les visas, en fait, nous Français, on arrive facilement à voyager à l'étranger, mais à savoir que les étrangers pour venir en France, c'est hyper compliqué. Du coup, chaque année, ça prend une année pour les faire venir sur le festival avec beaucoup de démarches, de visas, de billets d'avion. Et donc cette année, vous retrouverez un artiste qui est métissé. C'est pas un vrai aborigène, mais enfin, c'est un aborigène, mais métissé. Après la colonisation en Australie, il y a eu beaucoup de blancs qui se sont installés là-bas et ça a fait une population métissée. Donc vous retrouverez Dinawan, qui est un artiste qui nous présentera des cérémonies aborigènes le dimanche après-midi. Donc on va vous faire découvrir une petite playlist du festival, des artistes qui vont passer là-bas cette année. Et on va commencer par un groupe qui nous tient énormément à cœur, surtout à moi puisque je fais partie de la programmation du festival. Et Saodage, c'est un groupe que je suis depuis maintenant 5 ans. Ils sont passés en 2013 au festival et ils reviennent cette année avec un nouvel album qu'ils viennent de sortir, qui s'appelle Pas encore l'heure. Et on va vous faire découvrir une petite chanson de cet album qui s'appelle Eloa. Yeah. à nous toutes, nous dans notre imagination. Et voilà, c'était Saodage en direct de l'émission Les Oreilles du Monde proposée par Les Mondes de l'Utopie. Pourquoi Saodage au rêve de l'aborigène ? Eh bien, Saodage, c'est un groupe diverses influences, influences aborigènes notamment, aux influences d'Afrique. Et c'est aussi un groupe de musique traditionnelle réunionnaise, le Maloya. Et c'est un Maloya nomade qui nous propose. Donc, vous le retrouverez le dimanche soir sur la scène des Cèdres. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de cette scène. C'est une scène incroyable à la plaine des Soulièvres. Une scène sous des cèdres géants de 50 mètres de haut. Une scène en arc de cercle avec ces cèdres qui entourent cette scène et qui créent une énergie particulière pour chaque groupe qui passe en dessous. Donc, vous aurez aussi l'honneur de découvrir les filles d'Iligadad que Camille va nous décrire. Alors, ce groupe nous vient du Niger. En fait, ce sont des femmes qui vivaient là-bas, donc ce sont des Touaregs. Et donc, elles avaient l'habitude de chanter chez elles. Et aujourd'hui, donc, ça fait 2 ans qu'elles tournent en Europe. Donc, pour la petite histoire, en fait, quand elles sont arrivées en Europe, elles sont arrivées à l'aéroport pieds nus. Et donc là, on va vous présenter un titre qui s'appelle « Telilit ». Thank you. Direct de Radio Gemozo pour l'émission Les Oreilles du Monde présentée par les Mondes de l'Utopie. Donc c'était les filles d'Iligadad. Ensuite nous allons passer une musique de Jérémy Natak, Poiré et Seito que Flo va nous présenter. Et voilà, qu'est-ce que c'est Jérémy Natak ? Eh bien c'est un hangiste. Un hangiste, oulala, qu'est-ce que c'est un hangiste ? Eh bien c'est un joueur de hang. Un joueur de hang, qu'est-ce que c'est un hang ? Eh bien c'est un instrument comme une soucoupe avec différentes notes dessus. Donc voilà, à la base, Jérémy Natak c'était un batteur dans différents styles musicaux et il s'est spécifié dans le hang. Donc aujourd'hui on peut retrouver plein de vidéos sur internet, sur YouTube de Jérémy Natak. Il joue notamment avec une DJ djeridiste très connu, Adel B et Zalem. Donc vous pourrez le retrouver cette année au Rêve de l'Aborigène, mais accompagné cette fois de deux autres personnages assez particuliers, Poiré et Seito. C'est quoi ? Ben, c'est deux musiciens, dont un qui fait du chant diphonique et l'autre qui fait de la guitare. Donc cette année, Natak, Poiré, Seto sur la scène du Rêve de l'Aborigène. On écoute un morceau. Thank you. Donc nous passons à notre dernier titre pour cette émission. Donc c'est un titre de Coco Bassaï. C'est un groupe qui nous vient de Rennes avec des influences africaines. Donc c'est 6 musiciens. On écoute tout de suite. C'est ici que s'arrête la présentation du rêve de l'aborigène et on arrive sur la fin de notre émission Les Oreilles du Monde en direct sur Radio Guémozo. Donc on est très content de vous avoir partagé le retour sur la fête de la musique, vous faire découvrir une playlist aux influences des pays de l'Est, de vous avoir présenté Gilles Humer du groupe Alsarweeb qui était avec nous en direct ce matin. Et je vous ai présenté aussi le Rêve de l'Aborigène, festival sans alcool autour des peuples autochtones qui se déroulera à Hervaux près de Poitiers le 20, 21, 22 juillet. La semaine prochaine, venez découvrir toutes ces musiques incroyables que nous réservent les musiques du monde. Comme disait Mandela, la musique nourrit l'âme. Et la musique nous libère, elle nous unit. Donc on est content, et grand merci à Radio Gemozo de nous accueillir chaque mois pour notre émission. Un merci à Gilles qui était avec nous ce matin. Merci beaucoup. Et voilà, on peut conclure cette émission et on se retrouve le mois prochain. Le 9, merci. Merci à vous, bonne journée à tous.